Vendredi 27 janvier, bienvenue à l'émission Les Différents. Mélanie Florent avec vous jusqu'à 10h. Cette semaine, ce que je vous ai préparé, bien, habituellement, on parle d'une différence en particulier. Et puis cette semaine, avec l'invité que j'ai, je suis pas capable d'en trouver juste une différence. Parce que c'est une différence en tout point. C'est pas compliqué. Je suis sûre que ce matin, elle va vous dynamiser par justement son dynamisme, elle va vous énergiser par son dynamisme contagieux, son rire communicatif aussi. Puis, préparez-vous parce que dans la prochaine heure, elle va sûrement vous faire poser des questions par rapport aux perceptions qu'on a dans la vie. Elle sait faire réfléchir, elle amène les gens à réfléchir, à penser à l'envers. C'est une surdouée, probablement aussi une surdouée des relations humaines, coach de vie et spécialiste en programmation neurosomatique. Je reçois Lina Audi ce matin. Bonjour, Lina. Bonjour. Bienvenue. Dieu, quelle intro. Surdouée, qui fait réfléchir les gens à l'envers, qui pense aussi à l'envers. Ça, c'est différent aussi. Mais je suis pas capable de... Lina, je suis pas capable de dire en quoi t'es différente. T'es différente dans tous les points, puis j'aimerais ça que les gens te connaissent ce matin. Qui est-ce que Lina Audi est? Oh my God! Par où on commence? En fait, c'est pourquoi je dis que je pense différemment. C'est la vie qui m'a amenée comme ça. Il y a, au niveau de la santé, puis au niveau de comme des pensées, en fin de compte. C'est que j'ai dans les deux premiers tiers de ma vie, j'ai été malade beaucoup. J'ai eu beaucoup de choses. J'ai eu des fractures, des accidents, des maladies, tout. Puis j'avais tout le temps l'impression que l'univers me punissait. Mm. Puis je comprenais pas pourquoi, parce que c'était bien droite. Fait que je comprenais pas. Un mode de vie sain, une façon... Mais tu sais, là, j'étais première de classe, j'obéissais à mes parents, je prenais pas un coup, je prenais pas de drogue. Tu sais, je veux dire, là, douette, là, tu sais. Et c'est ça, je passais mon temps, toutes les fois que j'avais quelque chose au niveau de la santé, je me disais, mais pourquoi je me fais punir? Puis qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'ai pas encore compris qui fait que... Je suis pas encore assez comme obéissante, si on veut. Pourquoi? Pourquoi? Ce que souvent le monde se pose comme question quand il y a quelque chose qui nous arrive, pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive? Oui, c'est ça. J'avais cette pensée-là. Et donc, à un moment donné, je me souviens même plus comment j'ai croisé ces gens-là, mais je suis venue à un moment donné à commencer à des études en psycho ou neurosomatique. Mm-hmm. Et tout à coup, et ça, c'est l'étude de pourquoi le cerveau choisit de déclencher un processus bien spécifique dans notre biologie, c'est-à-dire la maladie, pour, en fin de compte, solutionner un stress qu'on n'arrive pas à faire. Mm-hmm. Tu sais, ça fait une cinquantaine d'années ou même plus maintenant qu'on sait que le stress affecte la santé. Mais c'est pas de façon aléatoire. C'est très, très précis. Finalement, en poussant les études, on s'est rendu compte de ça. Et moi, j'ai commencé à comprendre justement ma vie parce que quand j'ai commencé mes études, j'ai compris pourquoi j'avais été si malade. Puis j'étais pas punie. C'est qu'en fait, mon cerveau était comme en surstress parce que finalement, j'étais tout le temps dans une lignée de pensée qui n'était pas la mienne, en fait. C'est que justement, j'étais mm-hmm. tellement obéissante aux lois qui ne sont pas les miennes que j'étais comme en surstress tout le temps, puis ça allait à l'encontre de mon essence, si on veut. Mm-hmm. Alors, c'est pour ça que j'étais... Fait que tout d'un coup, ça a pris un autre sens. Mais et j'ai appris à me connaître à travers ces études. Ça, là-dessus, tu n'es pas la seule dans cette situation-là de se mettre de la... le côté perfection, ouais. Le côté pression, ça, je pense que tu rejoins beaucoup de gens là, avec ça. Tout à fait. Tout à fait. C'est ce côté-là de jamais être assez à la hauteur. Comme, de jamais être assez... Tu sais, puis moi, je prenais la maladie pour justement une punition, parce que je ne l'étais pas. Mais je comprends. Je me demandais tout le temps, mais qu'est-ce qu'ils veulent de plus de moi, en fin de compte? Puis c'était pas ça. Dans l'intro, je parlais comme quoi que tu es une surdouée. Mmh. Tu m'en as parlé de ça en pré-entrevue. Mmh. La douance... C'est tabou. Il y a des gens qui vont dire ouais, bon, c'est bien, hein, on peut penser que c'est du pétage de bretelles, comme on dit en bon québécois. Mais il y a quand même, c'est quoi, c'est comment ça fonctionne? C'est bien particulier. J'aimerais ça parler de ça aussi, parce que je l'ai dit en intro, je peux pas dire un point dans quoi tu es différente. c'est tous les points. L'histoire de la sourdouance, ça, d'abord, premièrement, on en parle souvent, si ça pouvait changer de nom, ça serait plutôt agréable, parce que c'est comme un peu... En anglais, c'est mieux, c'est oui, gifted. Oui, j'adore, gifted, parce que, tu sais, avec, bon, supposons, les termes, mais les surdoués, en fin de compte, c'est normalement, c'est diagnostiqué, entre guillemets, je ris tout le temps quand je dis ça, diagnostiqué, par les psychologues, les neuropsychologues, tu sais. Mais c'est une forme de pensée, en fin de compte, c'est que c'est pas nécessairement comme un quotient intellectuel élevé, c'est un mode de fonctionnement que le cerveau a, qui est très différent, en fin de compte. C'est en plein ça. C'est que, un cerveau différent. C'est un cerveau différent. Alors, il y a plein de caractéristiques très, très spécifiques aux mm-hmm. surdoués, mais ce qui fait qu'on est comme tout le temps en marge un peu. Puis, comme on ne le sait pas vraiment, c'est que, comment je dirais donc? Ben d'abord, on pense très, très, très vite, puis on a un esprit comme divergent au lieu d'être convergent. OK. Une idée amène une autre, amène une autre, amène une autre. C'est une façon que le cerveau a de fonctionner, de capter tout. Supposons, on a les sens dans le piton, là. Ouais. C'est comme si on avait 10 fois plus d'infos que tout le monde. Tu sais, on a la vue, l'odorat, le toucher, Mais toi, t'es hypersensible, là, dans toutes les, comme par exemple, l'odorat va être hypersensible, ouais. L'ouïe va être hypersensible. Ouais. C'est une des caractéristiques des sourdoués. Ah oui? C'est que tous les sens sont à exacerber, là, dans le piton. Donc, on capte encore plus d'infos que la majorité des gens. C'est entre-relié tout le temps, en mm-hmm. permanence. Tu sais, je fais des liens avec tout, ça énerve ma famille, c'est épouvantable. Tu sais. Mais je les comprends quelque part, mais je peux pas m'empêcher, mon cerveau, il fonctionne tout seul de même. Tu sais, c'est comme facile, bing, bing, bing, bing, bing. Dans notre tête, c'est facile, c'est ce que ben, tu veux dire. Là, oui, c'est que, mais moi, tu sais, je vais remarquer tête, des détails. Dans notre tête, c'est clair, mais pas pour les autres autour. Ben, je dirais que c'est que... Le lien se fait pas tout le temps. Non, okay. Avec les autres. Fait qu'on est comme un peu, on a l'air à s'enfarger des fois dans des détails que le monde trouve pas importants ou qui ont même pas vu. C'est ça qu'ils disent, un des trucs, l'histoire des surdoués, c'est qu'on est déphasé. C'est-à-dire, on comprend extrêmement vite. Fait que des fois, le monde n'a pas besoin de finir leur phrase, j'ai déjà compris. Fait que moi, des fois, je viens un peu tannée, je suis comme toujours en attente. Mm-hmm. Le trafic intellectuel. Puis, malgré tout ça, t'avais le stress affaires, à l'école? Ah, mais moi, j'ai été vraiment chanceuse. Moi, l'école, okay. J'aimais vraiment ça, là. J'étais une maniaque de maths, de physique, de... OK, moi, j'aimais l'école. C'était pas dans ce sens-là que t'étais... Non, c'était pas au niveau de l'école. C'était au niveau de, supposons, de mon comportement ou qui j'étais, tu sais. Parce mm-hmm. que, comme je dis, quand j'étais, supposons, comme punie par la maladie, tu sais, c'était plus comme dans mon comportement. Qu'est-ce qu'ils veulent plus de moi? Parce que, bon, quelque part, à l'école, ils ne pouvaient pas beaucoup plus. Tu sais, j'étais bonne à l'école. Donc, à 100%, on ne peut pas avoir plus. Ben là, tu sais. En principe. Oui, quand il y a des questions bonnie, tu as eu bonnie aussi, là. M'en fitter tout le temps par 100% plus le bonnie. Pas des fois. Mais tu sais, c'était pas à ce niveau-là. C'est plus au niveau de, tu sais, comme de la façon de penser tout le temps où justement, c'est aussi on a des standards très, très élevés. On n'est pas, il y a pas de compétition. C'est tout le temps, on est tout le temps face à nous. Les standards élevés, ça, c'est... Des principes élevés. Tu sais, comme des hautes vertus, mais les standards que j'ai pour moi-même, je les impose jamais à personne d'autre. T'sais. Mais j'ai eu l'impression, où j'ai souffert, entre guillemets, le plus, c'est d'avoir l'impression que moi, si j'ai quelque chose, j'avais l'impression que je rendais les autres malheureux. À ce que, supposons, ils se rendent compte que je savais ça ou je pensais vite aussi ou ça. T'sais. Fait que j'ai comme passé ma vie à m'excuser. Mm-hmm. Excuser d'être vite, là. Mais, excuser d'être vite, mais étais-tu aussi à t'en mordre les lèvres des fois parce que tu avais les solutions quand quelqu'un te parlait de quelque chose qui vivait? Parce que tu as quand même un côté, comme je disais, au niveau des relations humaines, tu as une sensibilité, tu as une hypersensibilité. Est-ce que t'avais les solutions plus rapides que les gens qui les vivaient, puis tu t'en mordais les lèvres là, pour pas le dire ou pour pas... Est-ce que tu t'empêchais? La censure que je me fais, c'est plus au niveau du respect de l'autre, en fin de compte. T'sais, c'est que, justement, si j'ai... Aussi, grâce à mes études que j'ai faites, faisant la psychoneurosomatique, qui me permet de comprendre plein de choses, moi, je sais que si quelqu'un souffre de telle maladie, je sais qu'est-ce qui le tourmente. Mm-hmm. Fait que je vais faire attention. J'ai une compréhension de l'être humain qui augmenté grâce à ça, je dirais. Parce que comme je sais c'est quoi qu'il est ce avec quoi ils se débattent intérieurement, ben je vais comprendre plein de réactions qu'ils vont avoir, souvent dans leur comportement. C'est une facilité à se mettre dans les souliers de l'autre, autrement dit. Ben j'ai énormément de compassion pour, je veux dire, l'être humain. J'ai souffert beaucoup, comme j'ai eu beaucoup de maladies, je sais comment je me sentais par rapport à ça. Donc, et aujourd'hui, la compréhension que j'en ai, c'est pour ça que je voudrais tant que les gens comprennent l'impact que le stress a, mm-hmm. et surtout le pouvoir qu'ils ont sur leur vie, que ça parle de leur vie, et puis qu'ils en fassent quelque chose pour arriver à augmenter leur qualité de vie, tu sais. Mais j'ai un regard sur l'expérience humaine qui est effectivement particulière. Puis ce qui t'amène aussi, est-ce que c'est ça qui t'a amené dans le désert? Parce que t'as habité... J'aimerais ça qu'on en parle un petit peu de ta période pendant une couple d'années. T'as habité dans le désert. À peu près 4 ans. Comment t'es débarqué là? Oui, c'est tout le temps la question. C'est comme moi, d'ailleurs. En fait, c'est que j'ai un ami français qui allait faire un atelier au Sahara. Parce que t'es une nomade, déjà en partant. Moi, je suis vraiment une nomade dans mon âme. Je suis chez nous partout, là, tu sais. Puis ça fait partie de mon équilibre de pouvoir me promener, c'est vraiment. Et donc, c'est ça. Moi, dans ma conception des choses, je vais aller partout dans le monde, je sais juste pas quand. Mm-hmm. Fait que je suis comme ouverte au possible. Et donc, j'ai un ami français qui me dit, Lina, je vais faire un atelier au Sahara. Je fais, super, j'y vais. Moi, je pose pas de questions. Tu sais, genre, ça m'appelle, go. On s'en va dans le désert. Puis là, mes amis me disaient, qu'est-ce que tu vas faire? Je sais pas. Mais tu vas où exactement? Je sais pas. Mais moi, ça m'appelait. Fait que je suis partie. Et que c'est tellement le sang-filet qu'une majorité a peur, là. C'est, je m'en vais dans un pays, dans une culture. Je m'en vais rencontrer une nouvelle culture que je sais pas. Il y a la condition de la femme aussi. On rajoute un stress de plus, un facteur de plus, en fait. Au niveau des voyages pour les femmes. Mais là, au moins, tu n'étais pas toute seule. Non, c'est ça. On change, on est dans le décalage horaire, tout ce qui comporte. Puis, on ne sait pas qu'est-ce qu'on s'en va faire. C'est très... Oui, bien là, c'est une ça. Chance, moi, je me donnerais juste un titre, ce serait exploratrice, tu vois, de la vie sous toutes ses formes. Une Indiana Jones. Oui, voilà. C'est sûr que je ne suis pas vraiment nerveuse. Il n'y a pas grand-chose qui me stresse en soi. Là. Mais c'est surtout que... Puis c'est ce que j'enseigne quelque part. C'est ce qui nous appelle, on a à y répondre. Moi, ça m'appelait. Fait que je n'avais pas besoin de le justifier tous les bords, tous les côtés. Ça m'appelait, j'ai décidé d'y aller. Mais c'était juste parce que quand je suis arrivée là-bas, j'étais chez moi. Là, ça, je ne suis pas capable de l'expliquer non plus. La première nuit, j'ai pris mon grabat, j'étais allée sur la plus haute dune. Je dormais toutes les nuits, toute seule, sur une dune. J'étais chez moi. Puis j'ai eu le coup de foudre pour le Sahara. Puis 2 mois plus tard, je suis retournée faire un grand circuit d'un mois avec un chamelier et 3 dromadaires parce que je voulais vivre le désert. Je voulais vivre, puis une semaine, tu ne vis pas le désert. T'sais, moi, je suis partie un mois toute seule, puis je serais restée plus longtemps, j'étais chez moi. Fait que quelques mois plus tard, j'ai tout vendu ou presque, puis je suis partie vivre là-bas. Puis le monde me dit, ben voyons, pourquoi? La réponse, c'est parce que ça m'appelait. Oui. Moi, suivre son instinct, c'est suivre ce qui nous allume, là. Bien, parce que pour moi, c'est ça, la vie, puis c'est ce qui me garde en santé. Parce que, tu sais, on se rappelle que j'ai été malade les 2 premiers tiers de ma vie, ou en tout cas, plein de cossins. Mm-hmm. Puis un jour que j'ai décidé, hey, si je suis pour payer la note, hein, au moins la ride va être le fun. Puis j'ai décidé de m'écouter. C'est là que j'ai arrêté d'être malade. Puis c'est vraiment ça qui est arrivé, puis c'est là que j'ai commencé mes études, puis ça a tout pris un sens. Fait qu'aujourd'hui, je sais que j'ai à répondre à ces choses-là qui m'appellent. Moi, je dis tout le temps, là, tu sais, la spontanéité, c'est le cœur qui parle. Oui. C'est notre essence. Et puis après, c'est le conditionnement social, tu sais. Ben là, oui, mais, Les oui, mais, oui. C'est tu me rappelles ça a éteint. Un prof de théâtre que j'ai connu qui elle aussitôt qu'on voulait l'insulter quand elle nous proposait quelque chose on avait juste à dire oh, oui mais oh yo yo on se le faisait dire donc oui ah non moi les oui mais je te comprends là-dessus en atelier les oui mais je fais comme attends là, les yes bottes là quand parce que t'en fais des ateliers on va en parler un petit peu plus tard. Qu'est-ce qui... Là, est-ce que c'est avec le Sahara? C'est tout ça qui a fait qu'à un moment donné, tu as découvert le PNS, à un moment donné... Non. Ça, c'est avant ou après? C'est après. Parce que moi, j'ai comme deux champs d'études, parce qu'on vraiment. On tombe pas là-dessus par hasard. Là. On entend parler du PNL, qui est la programmation... neuro-linguistique. Mais moi, c'est de la psycho-neuro-somatique. C'est ça. La PNL, c'est souvent les coachs, on en voit beaucoup qui vont mettre cette pratique-là en avant-plan. Mais toi, tu es vraiment dans le PNS. Oui, c'est ça. C'est Ben c'est comme je dis, c'est la psychose, c'est comment est-ce qu'on vit. Même en coach, t'es différente. Ben c'est ça que je dis. J'ai comme deux champs d'études qui que je me suis rendu compte qui se rejoignaient tellement. Enfin, un, c'est la psychose neurosomatique, en fin de compte, c'est que ça dit pourquoi la personne, ça identifie à la personne, pourquoi elle manifeste cette maladie-là. Mm-hmm. Elle vient comprendre, à faire le lien avec qu'est-ce qui l'a mis en surstress qui fait que le cerveau a réagi. Bon, mais ça, c'est une chose. Puis il y a des fois, c'est extraordinaire, juste à mettre en conscience, le processus est renversé. Je l'ai vu plein de fois. C'est hallucinant. Comme quoi? Tu sais, supposons... Oh, j'ai un exemple tellement hallucinant. J'ai une amie qui est tunisienne, qui a maintenant 60 ans, puis elle est arrivée à Montréal à 30 ans. Puis elle a eu ses filles ici, mais elle est née à 60 ans en Tunisie. Et un jour, elle me raconte, elle avait l'œsophage qui contractait tout le temps, puis il fallait qu'elle aille une fois par mois faire dilater l'œsophage. Puis à un moment donné, on soupait ensemble, puis elle me raconte qu'elle a un jumeau. Elle dit, moi, j'ai un jumeau. Fait que je fais comme, ah, ouais. Là, elle me raconte, elle dit, mais ma mère, elle allaitait juste mon frère. Quand je suis née, parce que c'était des musulmans, puis il y a 60 ans, c'était particulièrement... là, le garçon était plus important que la fille. Puis s'il restait du lait, elle m'allaitait. Fait que moi, j'ai allumé tout de suite avec mon histoire que je fais des liens avec tout, là. Ouais. C'est là que ça me sert. C'est pour ça que je suis bonne dans ce que je fais. Ça énerve le peuple, des fois. Mais ben, dans ma profession, c'est très, très, très utile. Oui. Et donc, moi, tout de suite, j'ai réalisé que le surstress que ce bébé-là vit, c'est qu'on lui donne pas à manger. Puis, c'est comme si, dans son inconscient, c'est que si elle réclame de la nourriture, ça se peut qu'il se défasse d'elle. Comme c'est impossible de pas réclamer de la nourriture, son cerveau a déclenché la contraction de l'œsophage. Comme ça, la nourriture rentre pas, fait que ça règle le dossier. Ça rentre plus, fait qu'elle peut pas en prendre. Et quand je lui ai mis ça en conscience, là, ça a chuté tout de suite. Elle a plus jamais été obligée de retourner. De la manière que tu me parles, ça a l'air quasiment miraculeux. J'aimerais ça comprendre comment ça fonctionne, le PMS. C'est que le cerveau, c'est qu'en fin de compte, c'est comme je dis, c'est le cerveau qui reçoit un stress, qui reçoit un message de stress. Tu sais, je vais parler, supposons, du cancer de la prostate, supposons. C'est un cancer qui est très simple à comprendre techniquement. C'est la prostate, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle a fait le liquide séminal qui transmet le bagage génétique, si on veut. Fait que c'est tout le temps des conflits de transmission sous toutes ses formes. Mm-hmm. Ça veut dire que, supposons, il y a des hommes qui n'ont jamais eu d'enfants qui ont un cancer de la prostate, mais c'est pas parce qu'ils n'ont pas eu d'enfants qui ont un cancer de la prostate. C'est parce qu'ils capotent un jour, qu'ils se réveillent puis qu'ils n'ont pas transmis leur bagage génétique. Mais ceux qui sont, ils s'en foutent, ils s'en font pas un. Il va y avoir aussi, à un moment donné, il y a eu comme une augmentation de cancer de la prostate. C'est quand il y a eu commencé à avoir beaucoup de divorces. Parce que les hommes étaient séparés de leurs enfants, parce que systématiquement, c'est les mères qui avaient les enfants. Okay. Donc, pour le père, et puis j'en ai eu des cas de même, là, c'est hallucinant. Pour le père, il ne peut plus transmettre ce qu'il est ou ses idées ou ce qu'il a acquis ou tout. Il est coupé de la transmission. C'est parce un stress qu'il vit. C'est tout le temps le stress. C'est que le cerveau, il entend le message, je ne peux pas transmettre, je ne peux pas transmettre, je ne peux pas transmettre. Puis à un moment donné, il dit, attends une minute, moi, t'as arrangé ça. En déclenchant la prolifération de cellules, tu comprends, ça devient comme une prostate bionique. Pour qu'ils puissent plus transmettre. Parce que le message qu'ils envoient, c'est « je peux pas transmettre ». Puis j'ai des cas, là, entre autres, justement... Là, on n'est pas dans l'ésotérisme, on est vraiment dans la science. Bio, là, bio. C'est ça. Justement, le mari de ma copine tunisienne, qui est lui aussi tunisien, elle me dit « il commence à faire un cancer de la prostate ». Ou en tout cas, il y avait des masses. Moi, je le connais. Puis je lui dis spontanément, je lui dis « je pense qu'il est inquiet ». De pas transmettre sa... Parce que je sais comment elle est fière de sa culture tunisienne. Mm-hmm. Puis j'ai dit, je pense qu'il est inquiet que tes filles, parce que ses filles sont nées à Montréal, tu sais, que sa culture soit pas transmise. Que la culture tunisienne soit pas transmise. Puis là, elle m'a regardée, puis elle est venue tout à l'envers. Elle dit, viens juste de me parler de ça, qu'il y avait de la peine. Parce que ses filles ont des chums québécois, puis ont peur, que ça se dit. Bon, ben, il en a parlé, puis il est retourné chez le médecin, il n'y a plus rien. Non, parce que il s'est... Comme il a raisonné... Tu sais que là, tu es dans la controverse. Oui, je sais. Avec tout ce qu'on entend. Ben oui. Mais moi, je dis tout le temps, mon meilleur argument, c'est des exemples. Ouais. Tu sais, je veux dire, quand les gens viennent ou quand ils ont quelque chose, tu sais. Je veux dire, tu choisis... Moi, ça a tellement amélioré ma vie, tu comprends-tu, d'être capable de cerner. C'est pour ça que j'ai dit, j'ai appris... T'es ton premier cobaye. Ben là, moi, je suis l'incarnation de ce que je dis, là. Tu sais, je veux dire, I walk my talk. Moi, je veux dire, je fais ça tout le temps. Je ne suis plus malade depuis 15 ans. Mais parce que moi, à toutes les fois qu'il y a quelque chose, premièrement, j'ai appris que j'ai vraiment à gérer les stress qui m'arrivent dans ma vie, les événements qui m'arrivent, qui me stressent, je m'en occupe. Et quand j'ai quelque chose qui commence à sortir, ben je peux te dire que je m'en occupe. Moi, comme je sais tout de suite, normalement, là, il y a des choses qui sont difficiles là, à cerner, mais il y a plein de choses qui sont relativement faciles, mais je m'occupe pour redevenir en paix. Parce qu'en fin de compte, le cerveau, il réagit parce qu'on lui envoie un message de stress. Mm-hmm. Mais si on trouve la paix, si on a une période tampon, c'est pas parce qu'à toutes les fois qu'on vit des stress qu'on va devenir malade, là. Non, on a une période tampon. Mais non, les auditeurs, non, jamais de la vie, tu sais. On a une période tampon où, tant qu'on est encore en mode, oh, je vais trouver une solution ou qu'est-ce que je fais avec ça, mais tu sais, de façon. Écoutez, le stress fait partie de l'évolution de l'être humain. Tant qu'on est dans l'action puis la solution, on c'est est le cul-de-sac. C'est quand tu arrives à tout le temps rester dans ton cul-de-sac puis qu'il n'y a pas de solution, puis qu'il n'y a pas de solution, puis qu'il n'y a pas de solution. À un moment donné, il décide qu'il fait ça. Mais c'est facilement identifiable dans le discours des gens. Ben, oui. Comme pour moi, là. Tu sais, je le vois qu'ils se sentent complètement pris. Puis que quand ils me parlent, ils n'ont pas de solution. Alors là, c'est d'arriver à trouver la solution. Et là, c'est là que mon autre domaine d'expertise, si on veut, ou d'études, que c'est des études que j'ai faites avec un Américain pendant plusieurs années, mm-hmm. Qui fait que, justement, quand j'ai fait mes études avec les médecins, là, tu sais, en psychoneurosomatique, j'étais un peu frustrée parce que eux autres, ils disaient tout le temps qu'une fois que tu le mettais en conscience, ça renversait le processus. Mais moi, là, dans la pratique, c'est pas tout à fait ça qui arrive tout le temps. OK. Fait que j'ai beau, je vois les gens, supposons, ils vont comprendre rationnellement qu'est-ce que je leur dis, puis ils voient le lien direct avec l'événement ou la situation présente. Ils le voient, là. C'est, le cerveau, il est extrêmement logique. Tu comprends? Tu sais, puis moi, ben, ça donne que je suis logique. Fait que c'est pour ça que c'est comme facile, entre guillemets, pour moi. Mais c'est extrêmement logique. Puis quand je fais des conférences, des fois, j'essaye que les gens voient cette logique-là pour qu'ils soient capables un peu de s'aider eux-mêmes, tu vois, dans le genre. En imageant, des fois aussi, c'est assez oui, simple, mais en moi, donnant je vais... des exemples. Oui, ça aide, mais c'est vraiment, là, tu sais, de comprendre la logique derrière ça direct, là, tu sais. Et moi, quand les médecins, c'est ça, j'étudiais, tu sais, j'étais un peu frustrée parce que, puis avec, j'étais comme 10 ans à vérifier avant de décider de pratiquer. Parce que moi, je suis comme une scientifique, là, tu sais. Fait que l'hypothèse qu'on me dit de quoi, puis après ça, ben, je le check. Fait que ça m'a pris comme une dizaine d'années avant de me rendre compte qu'à toutes les fois, c'est ça. Fait que c'est pour ça que je suis venue à décider de pratiquer. Mais dans la pratique ou dans ma recherche, si on veut, cette exploration-là, je me rendais compte que c'était pas tout le temps vrai. C'est pas tout le temps vrai que quand je le mettais en conscience, la personne shiftait. Ou, tu sais, son cerveau redevenait comme en mode fonctionnel normal. Et donc, j'étais pris avec le fait que les gens restaient, supposons, comprenaient rationnellement qu'il n'y avait pas à s'en faire, mais ils n'arrivaient pas à pas s'en faire. Mm-hmm. C'était comme plus fort qu'eux. Fait que... à un moment donné, j'ai réalisé que ce que j'avais fait avec c'est Dr. John DeMartini avec qui j'ai étudié longtemps, c'est un processus qui fait que moi j'avais fait la première fois en 96 qui avait complètement transformé ma vie. Je me suis rendu compte que c'était ça ma solution pour faire changer de place là, la façon que les gens voient ce qu'ils ont expérimenté, supposons qu'ils considèrent que c'est un stress puis qu'ils n'arrivent pas à le solutionner. Et tout d'un coup, je me suis mis à mettre les deux ensemble, puis les résultats sont extraordinaires. Tu sais, je veux dire, ça change la vie des gens. Et si, supposons, là, et si, supposons, c'était pas vrai, OK, que la maladie peut être guérie parce qu'on change de point de vue. Mais moi, je peux t'assurer que ça emmène les gens à une autre place dans leur vie, à un autre niveau de conscience qui fait qu'ils sont plus en, qu'ils vont être plus en paix. Ça, je suis certaine, par contre. Ou au moins qu'ils vont prendre peut-être plus conscience de peut-être ce qui les guette comme stress. C'est-à-dire, je parle pas de la maladie nécessairement, mais qu'ils vont faire plus attention, comme quelqu'un qui dit, ben moi, je veux perdre du poids parce que le médecin m'a dit que j'ai tant de livres de plus et puis pour aller dans un poids santé. Si on prend cet exemple-là, la personne, si le médecin lui avait pas dit, aurait pas nécessairement fait attention, mais il a fait prendre conscience à cette personne-là. C'est un peu comme ça que tu fonctionnes, en faisant prendre conscience, parce que il y a un point où est-ce que moi, je me pose des questions, puis je sais que ça fonctionne, ce que tu fais, je suis même pas inquiète. Par contre, j'ai des questions quand même, comme ceux qui nous écoutent probablement. On a une bonne discussion entre amis. Il y a quelqu'un qui parle d'un de ses problèmes. Et puis les autres sortent plein de solutions. S'il y en a un qui met le doigt dessus, ça ne veut pas dire nécessairement qu'il va prendre conscience puis ça va s'en aller, là. Ça se peut, là. Tu fais poser des questions. C'est ça, c'est pour ça que je demande le processus. Comment? Parce que le côté je te dis qu'est-ce qui va pas, puis le cerveau change, c'est là où est-ce que moi, je comprends pas le processus entre les deux. Comment le lien se fait? Entre ce qui vivent puis la maladie? Par exemple, la fois où est-ce que moi, je vais te... un exemple, tu me regardes, tu viens me dire, Mélanie, écoute, il y a telle chose, tu vis tel stress à cause de telle chose. Pourquoi, toi, ça changerait, puis une bonne amie vient me le dire exactement la même affaire, mais non, ça va fonctionner. Ça va fonctionner? Oui, si elle te met quelque chose. Parce que les gens, tu sais, je veux dire, moi, ils viennent me voir... Faut être convaincant ou... Non, c'est toi intérieurement. Parce que si ça parle à ton bug, tu vas allumer, ça va résonner. Fait que ça n'a pas d'importance, c'est qui va le dire. C'est juste que moi, je sais c'est quoi, parce que j'ai étudié ça. Mais si, supposons, tu as une amie qui te fait une observation... Tu sais, puis qui dit, écoute, j'ai regardé, tu sais, je regarde ce que tu vis présentement, puis tu penses pas que t'es l'affaire, mais elle t'amène à solutionner. Parce que le problème, c'est ça que je dis, qu'est-ce qui fait que le cerveau est décide qu'il fait quelque chose dans notre biologie, qu'il déclenche quelque chose, c'est qu'il est en surstress, puis il n'y a pas de solution. Fait que c'est comme si on fait en biologie ce qu'on n'arrive pas à faire en conscience. Mais toi, si t'as un ami qui t'arrive puis qui te met en conscience telle affaire puis qui a dit, tu penses pas que tu devrais, puis là, elle te propose quelque chose, puis tout d'un coup, tu ressens comme une paix, tu fais comme c'est vrai dans le fond, tu sais. OK, mais ça va faire la job. Elle est pas obligée d'être consultante, là. Donc, en plus de parler de stress, on parle d'énergie. On est dans ça aussi, on est dans le ressenti. PNS, c'est ça aussi. Ben, tu sais, je veux dire, j'en parle jamais en soi, sauf que... Regarde comment, tu sais, je vais plutôt parler de... Comment je te dirais ça? Tu sais, je veux dire, quand tu es en surstress, regarde le niveau, le taux vibratoire que tu as. Tu sais, je veux dire, regarde l'énergie que tu as. Tu es complètement à plat. Regarde quand tu es en paix. On l'évite quasiment quand on est en paix. Tu sais, je veux dire, quand on est dans un état de gratitude. Oui. Fait que, oui, je vois t'en... J'en parle pas directement de même, mais si tu t'arrêtes à ça, tu te rends compte qu'effectivement, c'est ça. Alors, plus c'est lourd, bien, plus ton cerveau, il va réagir parce que, tu sais, je veux dire, fait que c'est ça, plus le niveau d'énergie est bas, bien, plus ton cerveau va réagir, en fin de compte, parce que ce que tu vis est dur. Fait que... C'est un peu, par exemple, je vais y aller bien ben de base, là, quand on cherche nos clés d'auto puis qu'on est en retard. On voit rien. C'est ça, oui. Le champ visuel n'est pas là. Alors que si tu étais pas en stress, tu verrais. C'est ça. C'est ça, tu sais, c'est que... On prendrait le temps d'y voir, on ne stresserait pas nécessairement. Non. Donc ça, c'est une façon de comprendre un peu d'imager ce que tu m'expliques depuis tantôt. Tu sais, c'est comme l'histoire des rémissions spontanées, supposons, des gens là, qui avaient 6 mois à vivre, là, puis que, voyons, si tout d'un coup, ils sont guéris. Mais ces gens-là, ils se sont pas fait dire exactement c'était quoi le truc. Sauf qu'en se faisant dire qu'il leur reste 6 mois, sais-tu ce qu'ils décident de faire? Ils sacquent tout ça là, puis ils décident que s'il me reste 6 mois, ça va être le fun. Fait que ce qui les mettait en surstress, ils ont décidé qu'ils s'en occupaient plus. Ils s'en rendent pas compte. Ben, je veux dire, ils s'en rendent pas compte. Oui, ils vont dire, regarde, ben oui. Fait que date, moi, ça, tu sais, il me reste 6 mois, ben crème, je vais profiter de la ride. Fait que, si supposons c'était leur boss, ou ben si c'était une situation dans la famille, ou si c'était, tu sais, quelque chose, là, qui se disait comment je vais faire, là, comment je vais faire. Bon, ben, ils sacquent tout ça, là, parce qu'ils me disent, il me reste 6 mois, moi, c'est ça que je fais. Fait que le cerveau, il est plus en surstress. Ils ont arrêté parce qu'il a décidé, de chercher les clés. Ben, c'est ça. Ils ont plus ce stress-là qui provoquait le cerveau. Ils ont mis ça au neutre. Bon, ben, ça fait la job. On n'est pas nécessairement obligé d'identifier. Je dis juste que ce que je me rends compte, c'est qu'en identifiant la raison pour laquelle le cerveau a réagi, c'est-à-dire le stress ou l'émotion, tu sais, la perturbation qu'on a, là, tu sais, qu'on vit, ça nous élève au niveau de la conscience puis au niveau de la qualité de notre vie. Puis c'est probablement une des raisons pourquoi j'aime tant ça. Tu sais, je veux dire, je le vois, les gens, comment tout d'un coup, ils retrouvent une paix dans leur vie, parce qu'ils ont ciblé ça, puis ils ont décidé que ça, ils allaient le solutionner. Lina, on va prendre une pause. On va se remettre de toute cette première partie-là. Puis on va parler après ça. Au retour de pause, j'aimerais qu'on parle de transformer des souvenirs difficiles en expériences enrichissantes. Yes! On est de retour à l'émission Les Différents. Mélanie Florent avec vous jusqu'à 10h. Il reste une demi-heure à cette belle émission-là. Et je reçois ce matin Lina Audi qui est... est-ce que je nomme tous les titres que je t'ai donnés tantôt? Surdouée. Exploratrice, moi, c'est bon. On va y aller pour une exploratrice dans ce cas-là. On parlait avant la pause. Selon toi, Mais selon ce que tu fais au niveau de la PNS, qui est la programmation neurosomatique... Non. Psycho. Pourquoi je suis toujours parce dans à cause de PNL, programmation neurolinguistique. Bon, la PNL m'a programmée pour la programmation. Oui. Exactement. Mais je me mêle tout le temps dans ces lettres-là. Le stress, on en a parlé avant la pause de qu'est-ce que ça peut créer comme maladie, tout ça. Mais il y a aussi de transformer des souvenirs, des expériences difficiles, des étapes, des choses qu'on a vécues qui étaient difficiles en expérience enrichissante. Ouais, ça c'est justement c'est difficile à imaginer quand on a les deux pieds dedans. Oui, hein? Oh oui, totalement. Là. C'est puis tu sais ça marque nos vies et ça marque la façon qu'on va analyser le reste de notre vie. C'est-à-dire que les événements qu'on a traversés vont marquer notre vie puis vont déterminer un peu comment on évalue le reste. C'est-à-dire, ça fait comme installer un cadre de référence que j'appelle, tu sais. Ce cadre de référence-là, c'est, il a commencé quand on était tout petit dans notre famille. Qu'est-ce qui fait que, tu sais, on considère que ça, c'est bien ou pas bien. Et alors, après ça, quand on vit des expériences, ben c'est si on considère qu'ils sont mauvaises, selon notre cadre de référence, qui fait qu'on va pas bien. Mm-hmm. Supposons. Donc, il y a des événements. Tu sais, beaucoup de notre enfance, les gens en parlent souvent. Là, ma mère était tellement telle que là, tu sais, moi, je suis restée comme ça. Ben, puis là, ben, par la psychologie, on se fait dire, ben là, c'est la même faute à parce tes que. Parents. Ta, ta, ta. Bon. Ben, si on prend juste le meilleur exemple de la personne qui utilise ça, c'est. Je ferai pas de publicité, mais ça commence par Doc, puis ça finit par Mayou. C'est. Tout est de la faute de mes parents, puis à un moment donné, c'est. Ben, techniquement. Techniquement, là, je veux dire, au niveau de la justement, notre programmation, là, tu sais, du cerveau, là, tu sais, oui, c'est nos parents, mais je veux dire, parce que les conclusions qu'on en tire quand on est tout petit, tu sais, on a des interdictions, on a notre culture, tu sais, moi, j'ai vécu dans plusieurs pays, tu sais, qu'est-ce qui est bon à une place et mauvais à une autre place? Mm-hmm. Je veux dire, puis qui a raison? Alors, tu sais, c'est juste que, de près notre culture, nos parents, les blessures de nos parents, fait qu'eux autres, ils ont certains comportements. Nous, petits, on n'est pas aptes à, si tu veux, à gérer des situations. Fait qu'on en tire nos conclusions d'enfants, qui sont des conclusions erronées, souvent. Mm-hmm. Et donc, on vient tout avec ce bagage-là, ce qui fait qu'on expérimente notre vie après en fonction de tout ça. Puis le cerveau, il scanne, puis il cherche ce qu'il connaît. Fait que c'est un truc, c'est pour ça le truc répétitif, là. Ben, tu sais, puis ce qu'il connaît, ben là, il va là. Puis là, il dit, ben, tu vois-tu? Yes, tu vois, c'est tout le temps de même. Tu sais, toutes les conclusions, là, tous les hommes sont en... Bon, ben, c'est ça. Ils se tapent tout le temps, ces hommes-là. Parce que c'est ce qu'ils trouvent, parce que c'est ce qu'ils sont arrêtés. Alors, c'est le manque qu'on crée des patterns, en fait, là. Oui, c'est un fait, mais c'est parce que c'est ça. Après, il l'ancre, puis là, après, ben, il se remanifeste tout le temps ça, parce que c'est ce que le cerveau reconnaît, tu sais. Mais ça se change, ça. Et ce qu'on a, les conclusions qu'on a tirées petit, supposons, puis il y a un autre truc aussi que je veux mentionner qui est hyper important, c'est que en fin de compte, on continue à vivre de même, parce que techniquement, l'enfant dépend à 100% du parent quand on est petit. Ben oui. Fait que c'est là que ça vient qu'il faut obéir, entre guillemets, parce que biologiquement parlant, notre survie dépend de nos parents. C'est juste que c'est comme si on devenait jamais adulte, après on continue sur ce pattern-là. Mm-hmm. Puis c'est d'arriver à voir à quoi tout est servi, puis d'arriver avec notre raisonnement d'adulte à repenser qu'est-ce qui s'est passé, supposons nos souvenirs d'enfance, à les voir autrement, puis en arriver à devenir une personne autonome. Fait que oui, on peut transformer des événements qui ont été, supposons, traumatisants ou qui nous ont blessés, en que ce soit en expérience enrichissante. Puis il y a une image que je donne, puis quand je fais un atelier, je donne cette image-là. C'est il y a un jour, j'étais à Zurich en avion, puis je vais tout le temps m'en souvenir, j'ai eu un épiphanie, là. Il faisait noir, il était 11h le matin, puis il y avait énormément de nuages, puis on pouvait pas décoller parce qu'il faisait trop mauvais. Puis je me souviens que je regardais les nuages, puis le plafond était tellement bas et noir, c'était noir, c'est incroyable, puis je me disais, hey, c'est pas possible, c'est vraiment particulier, j'avais rarement vu ça. Éventuellement, on décolle, puis quand on a traversé des kilomètres de nuages, rendu de l'autre côté, c'était d'un blanc immaculé, c'était éblouissant. Puis j'ai eu comme, hey, c'est pété, c'est les mêmes nuages. Mais vu d'en bas, puis vu d'en haut. Mm-hmm. Puis ça fait partie, puis la vie, c'est un peu de même. C'est une question de perception, là. Fait que la perception était complètement changée, là. Mais c'est deux qui existent, qui mm-hmm. coexistent. Alors, ce que je dis que je fais, supposons, dans l'atelier, c'est justement, c'est que supposons que vous arrivez avec, vous êtes en bas, vous voyez le noir, là. Puis c'est une vraie souffrance. Puis je dis tout le temps, on n'ira jamais les souffrances qu'on a vécues et tout. Mais il y a cette autre version-là, en quoi c'est venu à notre service? En quoi c'est venu? Ce qui fait que ce qu'on a trouvé traumatisant, on se rend compte comment c'est ce qui nous a permis de développer ci, ça, puis ce qui fait que c'est à notre service aujourd'hui. Et ça, ça se fait pas nécessairement de façon rationnelle. Parce que quand on est vraiment chargé envers quelque chose qui est... On peut décider de changer notre perception, mais est-ce qu'on le sent vraiment? C'est ça. C'est autre chose, c'est si ça. Je comprends. Puis des affaires très traumatisantes, ben c'est difficilement transformable. Et ce processus-là, en fait, contourne le mental. C'est ce qui fait qu'on arrive, c'est vraiment particulier, c'est ce qui fait qu'à un moment donné, on a comme un « aha moment », là. Puis tout d'un coup, on vient de shifter. Puis je dis, tu sais, tu me demandais, comme dans la chronologie, tu sais, qu'est-ce qui est venu avant avec l'histoire du désert et tout. En fait, j'ai commencé à étudier avec l'Américain en 96 jusqu'à 2003. 2003 à, bon, plusieurs années, avec les médecins européens pour la bio. Puis je suis partie au désert en 2007. Puis moi, il m'est arrivé quelque chose en 2008. J'ai été séquestrée. Par des Hollandais, là, je le précise tout le temps parce que tout le monde est inquiet parce que je m'en allais vivre dans le milieu de nulle part avec des musulmans, puis parce que j'étais une femme, puis tout ça. Là. Mais c'est des Hollandais. C'était pas eux qui étaient. C'est des Hollandais qui m'ont accusé d'un crime que j'avais pas commis, puis ils trouvaient que les autorités faisaient pas leur job. Fait qu'ils ont décidé de s'en occuper. Mais moi, à un moment donné, j'ai pensé qu'ils allaient me tuer parce qu'ils étaient complètement hystériques, puis ils tenaient des propos. Fait que je me suis dit, ça y est, moi, je m'en souviens. Là, je me suis dit, là, je ne ressors pas d'ici en vie. Fait que j'ai vu ma vie flasher, moi, devant. C'est comme ça dans les films, là. Ça a duré longtemps, c'est... La séquestration? Oui. Ou la séquestration, juste une journée. Mais moi, je ne savais pas, je pensais que j'allais mourir. Ben non, mais 30 secondes, c'est déjà stressant, ouais. Là. Donc, techniquement, moi, j'ai pensé qu'on allait me tuer. Fait qu'en termes de stress, pour l'être humain, c'est pas mal le top. Okay? Ben, c'est la plus grande part, oui. Donc, normalement, cet événement-là est extrêmement traumatisant, me marque. On est d'accord? Mm-hmm. Ben oui. Quand j'ai été délivrée, je suis retournée chez moi, puis j'étais toute seule. Puis là, moi, ça me tentait de parler à quelqu'un. J'avais failli mourir. Puis tu sais, j'avais envoyé un texto à un ami en France de dire bonjour à mes enfants parce que j'ai dit, tu leur dis, je pense pas que je vais les revoir, toi. Donc, parce que je ne fais pas texter au Canada. Et donc là, je voulais appeler quelqu'un de ma famille, tu sais, je voulais appeler mon monde. Puis mon internet était planté, mm-hmm. Fait que je pouvais pas. Mais j'étais comme une heure, comme une folle, à essayer d'arranger, de reboot, tu sais, l'internet, puis ça fonctionnait pas. Et grâce, on panique pour moins que ça. Grâce à cette philosophie de vie là, si tu veux, ou que ça a instauré là, ce chose-là, c'est que je me suis dit non, sais-tu quoi, si tu peux pas parler à personne, c'est parce qu'il faut pas que tu parles à personne. Si c'est ce qui se manifeste, c'est ce que tu as besoin de faire en conscience, ok? C'est bon. Là, je me suis dit, c'est vrai que si je parle à quelqu'un, je vais revivre le truc en permanence parce que je vais le raconter. Mm-hmm. Au niveau neurologique, c'est comme si ça installait encore plus fortement cette panique-là, si on veut. Oui, ça les ancre. Ça fait plus, des chemins neuronaux là, qui fait que, tu sais... Alors, qui me donne plus de chances que si jamais je vis un événement où il y a une situation qui me fait penser à ça, je peux tomber en état de panique. Mm-hmm. Okay. Fait que là, je fais comme, OK, c'est vrai. Faut pas que je le raconte. Là, après ça, j'ai dit, mais outre pas tout ça, de suite, en tout cas. Outre ça, il faut que je le transforme. Parce que c'est ça, ma philosophie de vie. C'est ce qui me garde en santé. Moi, je sais, là, moi, j'ai failli mourir. Je pensais que j'allais mourir. En termes de stress, c'est très gros. Alors, j'ai transformé cet événement-là avec les outils que je connais puis que ça. Et puis, je n'ai jamais fait de cauchemar. Ça n'a jamais marqué ma psychologie. Ça n'a jamais marqué ma biologie. De choc post-traumatique, il n'y en a pas eu. Jamais. Puis aujourd'hui, moi, ça a transformé ma vie, cet événement-là, parce que, en fin de compte, quand j'ai vu ma vie là, flasher, là, ce que ça m'a donné, mm-hmm. c'est que pour la première fois de ma vie, j'ai aimé qui j'avais été. Je trouvais que j'avais vécu avec intégrité toute ma vie, que je m'étais forcée toute ma vie, que parce j'avais toi, vécu avec courage. T'as vu tout ça passer. Là. C'est tellement bizarre, ta vie défiler, là. C'est comme ta voix toute, c'est au ralenti, mm-hmm. mais en même temps, on dirait que ça dure pas longtemps. Fait que je sais pas trop comment ça marche, là, mais ça fait ça. Puis c'est ça, je disais, tu sais, j'étais tranquille quand je pensais que j'allais partir parce que j'étais contente. Mais j'arrêtais pas de me dire, mais semble que c'est pas mon heure. Man, me semble que c'est pas mon heure, ça se peut pas, j'ai encore trop d'affaires que je voulais faire. Puis à un moment donné, j'ai fait comme, OK, so be it. Puis j'attendais. Puis tout d'un coup, là, tu sais, il y a plein d'affaires qui me sont venues à l'idée, puis tu sais, j'ai fini par être comme délivrée, si tu veux. Mais cet événement-là a changé ma vie parce que, tu sais, je veux dire, comment il y en a de monde qui aime qui ils sont? Là, je veux dire, il n'y en a pas tant que ça. Puis, c'est pas parce que je prétends que je suis parfaite. Je le suis pas ou je le suis. Tu sais, tout est parfait quelque part. Mm-hmm. Tu sais, mais c'est cette tranquillité-là d'esprit. Puis, j'en suis venue aussi à voir que tout être humain fait son mieux tout le temps. Je le sais. Je l'ai trop expérimenté à travailler avec les gens. Puis tu sais, je ris tout le temps un peu avec ça. Je dis, moi, je compte l'amélioration. T'sais. Fait que là, le monde, ils font comme quoi. J'ai dit, on peut-tu être correct juste comme on est? Ce truc-là de toujours être obligé de s'améliorer. T'sais. Toujours être plus, plus, plus. Ouais. Ben ça empoisonne l'existence. Tu sais, je veux dire, moi, j'enseigne aux gens à voir toute la beauté de ce qu'ils sont, tu sais, avec toutes les plus puis les moins, puis que je sais pas quoi. Puis je veux dire, d'être content d'être comme ça, parce que c'est au service de tout. C'est au service de la vie d'être comme ça, comme ça, comme ça. Et ça se transforme aussi, si jamais. Mais c'est pas dans le but de l'amélioration, tu sais. Depuis tantôt, on parle d'expériences traumatisantes qui peuvent être traumatisantes, ça dépend comment on l'aperçoit par après. Je suis consciente que pendant que ça se passe, c'est pas « Oh wow, on parlerait, admettons, à quelqu'un qui vit une crise d'angoisse, il dira pas « Yé, je suis dans la meilleure expérience de ma vie. » C'est sûr et certain que ça prend toujours un recul. Depuis tantôt aussi, on parle de maladie, de stress, de maladie qui est reliée au stress, tout ça. Avec psychosomatique, le mot « somatique », là, c'est souvent relié à une maladie imaginaire. Quand le médecin te dit « Ah, c'est psychosomatique », il t'envoie chez le psy. Oui, c'est ça. C'est très péjoratif. Tu sais, dans ton cas, c'est... Non, c'est... T'as pas la même philosophie par rapport à la psychosomatique. En fait, c'est une mauvaise utilisation du mot, en fait, là. Parce que « soma », ça veut dire « corps ». C'est pour ça que ça s'appelle la psycho-neuro-soma. Parce que c'est le corps, l'esprit, puis les émotions, si tu veux, ou tu sais, notre psychologie, là. Mm-hmm. Quand on dit que c'est psychosomatique, les gens, c'est une connotation très négative. Ça veut dire que c'est entre les deux oreilles que ça se passe, tu sais, parce que tu n'as rien. C'est entre les deux oreilles que ça se passe, pour vrai, mais c'est pas parce que tu n'as rien. Mm-hmm. Parce que la maladie est toujours bien manifestée. Puis même si c'est une maladie mentale, on le sait, c'est tabou anyway. Ben, déjà, oui, ça, en partant, c'est on part affaire, avec, ouais, c'est ça. On part avec une prise. Là. Quand les gens disent c'est psychosomatique, ce qu'ils veulent dire, c'est t'es pas vraiment malade, là, c'est dans ta tête que ça se passe. Bon, fait que là, moi, je reprends ça. Oui, c'est dans la tête que ça se passe. C'est dans le cerveau qu'il y a un surstress puis que la maladie est déclenchée. Mais c'est pas imaginaire. Je veux dire, la personne est vraiment malade. J'ai eu un patient qui avait un côlon irritable. Tu sais, les médecins, ils étaient... ça faisait 8 mois qu'il mangeait plus, ou presque, tu sais. Puis, c'est ça, là. Il disait, mais c'est le côlon irritable, tu sais. Mais moi, je sais c'est quoi. Fait qu'on a travaillé avec. Mais aujourd'hui, il mange de tout, tu sais, mais les gens, syndrome, ils disaient, ben c'est psychosomatique. Ben oui, le syndrome du côlon irritable est de plus en plus identifié à l'anxiété, au stress. C'est ça. Mais c'est pas aléatoire. Là. C'est très précis. C'est ce que je dis. Mm-hmm. Je veux dire, oui, on le voit bien. Puis moi, je les reconnais 100 000 à la ronde. Je suis rendue... Tu sais, il y a des types de maladies, là, que je sais pas qui souffrent de cette maladie-là, mais je pourrais dire je remarque des traits de personnalité, des traits particuliers sur des choses que je remarque... Il y a des points communs chez les gens que tu peux remarquer, des, c'est ça? Oui, puis des genres de phrases. Okay? Ceux qui ont des problèmes avec les tunnels carpiens, là, mm-hmm. J'ai remarqué que la plupart du temps, c'est du monde qui disent « Peu importe ce que je fais, c'est jamais assez. » Moi, quelqu'un me dit ça, j'y demande s'ils ont des problèmes de tunnel carpien. Je vais surveiller mes tunnels carpiens. Je te dis, je me suis mise avec le temps à remarquer des choses. Tu sais, fait là, ben, à tout le monde me demande donné... si je suis une sorcière. Mais je suis pas sorcière, man. Je sais lire les. Tu sais, je l'ai dit, je remarque tout. Je remarque tout. Fait que là, mais il y a des à un moment donné, on se pose pas des questions à se dire, il faut pas que j'y pense trop pour pas me créer des peurs ou pour pas créer de la peur autour de moi. Non, regarde. Là, tu viens de me parler des tunnels. Ça l'est, tu vas commencer là. À penser à ça. Ça y est, ma paniqué. Non, voilà. Mais de toute façon, je vais à ton atelier dimanche. tu me reprogrammeras dimanche. Non, mais si tu viens dans la philosophie... C'est pour ça que je te dis, ça, c'est un aspect de ce que je fais. L'autre aspect, c'est justement comment on arrive à tout solutionner. Mm-hmm. C'est ça que je te disais, cet accompagnement-là, cette transformation-là. Fait que moi, je suis tranquille. Tu sais, je stresse-tu d'être malade? Non. Parce que dans ma conception de la vie aujourd'hui, avec ce que je sais, puis que... comme ce regard-là que j'ai sur les choses, je le sais que je suis capable de le transformer. Fait que ça m'inquiète pas. Tu comprends-tu? Je fais comme, bon, ben, OK, si jamais j'ai ça, OK, je fais quoi avec? Je vais le transformer parce que je sais que ça fait la job. L'humain étant complexe, arrives-tu que tu vises à côté? Ça peut-tu arriver? Il y a des choses qui sont très difficiles à cerner. Il va falloir que tu grattes plus. Oui, oui, il y a des choses qui sont difficiles. Qu'est-ce la qui est peau, plus difficile? La peau, les allergies, ça, c'est deux trucs que des fois, c'est vraiment casse-tête. Là. C'est comme, comment je dirais? Parce que la peau, tu sais, je t'ai dit tantôt, faut trouver qu'est-ce que l'organe fait. Fait que symboliquement, c'est ce qu'on a à faire. Okay? Mais la peau... Ben, c'est le plus gros des organes, ben, si je me trompe pas. Oui, mais c'est pas parce qu'il est gros, c'est parce qu'il y a plein de fonctions. Fait que, tu sais, elle nourrit. à l'échange l'air, c'est le contact, c'est la rencontre vers l'autre, c'est notre limite, c'est la protection. Tu comprends? Fait que moi, tout dépendant du discours de la personne, je vais voir si peut-être quelle fonction là qui est attaquée dans sa conception des choses. Mm-hmm. Tu vois, j'ai eu une femme à un moment donné, elle faisait de la sclérodermie sur les seins. Fait que, tu sais, sclérosée, ben, tu sais, la peau devient comme du cuir. Okay. Fait que c'est de la protection, comme. Puis les seins, ben, de façon générale, là, mais là, moi, je l'entendais dans son discours, là, mais c'est materné. Puis j'ai dit, ben, c'est comme si tu sens que tu as protégé ta façon d'être mère ou de materner. Puis elle s'est mise à pleurer parce que sa famille n'arrête pas de la critiquer qu'elle est mauvaise mère. Tu sais, je te dis, c'est hallucinant. Puis comment ça se passe? Un coup, tu dis ça à la personne. Mais moi, j'ai à l'emmener. Conscience. C'est de l'amener. C'est pas juste, comme je disais tantôt, comme un samedi soir qu'on jase entre amis puis qu'il y en a un qui parle de ses problèmes. C'est-à-dire que ça se peut. Ça se peut que ce soit ça. Ça sera tout le temps possible. Regarde mon amie qui est tunisienne, là. Oui. Qu'il y a rien qu'à le mettre en conscience. Puis j'ai du monde de même, j'en ai plein, là. Mais moi, personnellement, là. Puis ça m'arrive plein de fois. Il y en a des plus résistants. Ben, des fois, c'est comme le genre de problème, si tu veux, qui est plus étalé, tu sais, ou qui est une forme de pensée. Tu sais, je veux dire, la conception, tu sais, l'histoire comme du cancer du sein, là, tu sais, ils disent que c'est héréditaire. Mais c'est héréditaire, en fin de compte, c'est que ce que je me rends compte, c'est que la conception de ce qu'est être une bonne mère est transmise d'une génération à l'autre. Fait que s'ils se pensent mauvaise mère tout le temps, mm-hmm. tu sais, parce qu'ils sont jamais comme à la hauteur. Tu comprends? Fait qu'il y a des affaires que c'est des formes de pensée depuis toujours, mais des fois, ça va être plus difficile parce que ça définit leur vie. Ils ont toujours pensé comme ça. Des emmener ailleurs, c'est plus difficile qu'il est arrivé un événement puis on décide qu'on le transforme. Tu sais, ça n'a pas le même impact. C'est de briser une croyance qui n'est pas la nôtre, si je comprends. Ben, c'est ça. C'est quoi l'exemple que tu m'as donné? Je me souviens pas l'exemple que tu viens juste de me donner, là, que tu dis, ben, j'emmène la personne, supposons, à voir que que si quelqu'un le menaçait comme la femme qui fait la sclérose, oui, la sclérodermie. Mais c'est de l'emmener à voir qu'elle la réalise, supposons qu'elle est bonne mère, puis qu'elle soit tranquille avec ça. Que ce que les autres pensent qu'elle soit, c'est qu'elle sente, qu'elle fasse la paix, qu'elle n'ait pas à se défendre contre le regard des autres. T'es qui, toi? T'es fière de ce que t'es comme mère, ça suffit en soi. Mm-hmm. Comprends-tu? Fait que c'est de l'amener là, parce que qu'est-ce qui la rend en surstress? C'est le regard des autres sur sa façon de materner. Mais ça concerne qui? Personne. Et le processus aide justement à avoir cet autre regard-là qui fait que on a à écouter, on a à obéir à notre vérité. Mm-hmm. Un peu comme Socrate, là, je vais vous demander l'histoire de Socrate, mais en tout cas, je veux dire, d'obéir à cette loi-là intérieure, puis le reste. Parce que notre vie ne dépend pas de l'accord des autres. Ça, c'était enfant, oui. Adulte, non. C'est de prendre conscience de nos propres croyances aussi, puis de faire le ménage là-dedans. Et je vais te pousser encore un petit peu plus. On termine avec ça, là, mais je veux parler aussi de tes ateliers avant la fin. Quand on entend parler des maladies qui sont, admettons, là, des malformations, par exemple. Congénitales, tu dis? Congénitales, exactement. Ben, je me souviens, ça vient des conflits des parents. C'est de la lignée. Tu sais, on porte l'histoire parce de l'humanité. Là, c'est ça, là, je te pousse un petit peu plus loin parce que, justement, un enfant admettons, ils sont trois enfants, puis il y en a un là-dedans mm-hmm. qui a une maladie. Qui manifeste, on manifeste différentes choses parce qu'il y a eu différentes... Pourquoi un plus que l'autre? Pourquoi pas les... Tu sais, je me fais un petit peu l'avocat du diable. Oui, non, c'est bien, Je te pose la question parce que je suis curieuse, puis mm-hmm. je pense qu'il y en a qui se posent aussi la question, qui disent, ouais, ben là, c'est facile, là, tout est au stress, mais quand tu nais comme ça... Ouais. C'est ça, c'est souvent la manifestation du conflit des parents ou des fois de la lignée, parce que comme je dis, on porte l'humanité, mais je dirais les quatre générations avant, on porte beaucoup l'histoire. Tu sais, parce que sinon, il faudrait recommencer à zéro tout le temps. Hein. Je sais pas si vous vous rendez compte, là, mais si vous lisez un peu sur l'évolution de l'être humain, là, tu veux dire, on porte des mémoires, parce que sinon, il faudrait tout le temps recommencer. Bon. Donc, les quatre dernières générations sont encore plus fortes, l'influence est encore plus forte que tout le reste de l'humanité, évidemment. Mais ça va dépendre, entre autres, de... Tu sais, on peut être... nous autres, on est trois filles chez nous. On a comme trois réalités complètement différentes, tu sais, parce qu'on est nés à des années différentes. Il y avait des circonstances différentes. Mes parents vivaient des choses différentes quand mm-hmm. à la naissance... Alors ça a un impact. Ça a un impact pourquoi, supposons, je vais avoir été marquée par telle affaire alors que ma sœur, pas du tout. Puis elle, ça va avoir été quelque chose. Et la position aussi, ma sœur plus vieille, tu sais, elle a le sens de la, moi, j'appelle ça le syndrome de la plus vieille, là. Ouais. Tu sais, de l'aîné. Ils ont un comportement particulier parce qu'il y a un message déjà en partant quand ils sont, quand ils naissent, qu'il faut qu'ils s'occupent des autres. Mm-hmm. Fait que c'est engrammé, fait qu'après ça, tu gardes ça longtemps jusqu'à temps que tu le transformes. Comme le cadet qui est souvent, qui est souvent vu comme étant le bébé de la famille, qui va se faire dire probablement toute sa vie, pas sûr que tu vas comprendre, t'es pas assez vieux, mais... Oui, c'est ça. Alors, il y a plein de choses, de ça, là, qui ont dit, ben écoute, je suis rendue à 70 ans, je pense que je commence à comprendre. Savoir là. C'est quoi, là. Non, oui, c'est ça, là, tu sais, puis c'est ce que les gens leur ont dit puis qui les a marqués, parce qu'il y a des choses qui marquent quelqu'un puis pas d'autres. Fait que c'est tout ce bagage-là qui fait qu'on va manifester telle maladie ou telle, alors que l'autre, non. Alors, c'est pour ça que je dis, c'est d'arriver en enfer, la paix, c'est de voir en quoi ça parle à notre vie, puis de pouvoir le transformer, puis de s'élever au-dessus de ça. Lina a dit, j'aurais continué encore. J'aurais continué, parce que c'est un sujet, je pense, que ça n'a pas de limite, là. Ah, c'est fascinant. On peut continuer. Bien, on voit que tu es passionnée. Mm. Puis, si on veut te joindre, il y a ta page Facebook que je vais mettre sur la page Les Différents, en lien aussi. Oui. Mais sinon, si vous voulez aller directement sur sa page, c'est Lina Audi PNS. Oui. Pour... psycho... Je te laisse dire. Neuro-somatique. Et non, programmation. Allez-y pour le psycho. Moi, je suis restée. Bon, si jamais vous en souvenez pas, c'est parce que là, mon site Internet est en transformation, mais je fais aller mon site Internet sur ma page Facebook. Fait que c'est linaaudy.com. Puis ça va sur la page Facebook, là. Super. D'un coup, vous trompez dans les lettres, là, tu sais. Puis on peut participer à tes ateliers. T'en as une, en fait. Oui. T'as un atelier en fin de semaine. Oui, dimanche. Et c'est des gros ateliers, là. C'est beaucoup d'heures. Oui, là. Une grosse journée. Parce que c'est un processus de transformation individuelle. Fait que c'est un atelier de groupe, mais non. Fait que les gens, ils se demandent tout le temps, tu sais, il y a zéro partage. C'est pas parce que je compte le partage, parce que je sais très bien que les gens, quand ils sont dans leur truc, ils ont pas envie nécessairement de partager leurs difficultés, bon. Alors, il y a pas de partage. Le matin, je donne du matériel. Fait que j'ai décidé de faire quelque chose. Et s'il y en a qui ont envie d'assister, ça, c'est juste 39 $ pour la première partie. Et ils payent l'atelier au complet s'ils choisissent de rester pour le processus de transformation qui, là, soit plusieurs heures. Chaque personne fait son travail. Quand ils restent coincés, je vais les accompagner pour les aider. Puis c'est ce qui fait qu'on arrive... C'est comme si ça installe un nouveau programme d'interprétation. Tu sais, des événements. T'sais, on recadre notre système de référence. Ça se donne au Centre Énergie Alpha de Patrice Trudeau, que j'ai reçu il y a quelques semaines aussi, qui est venu nous parler de tellement de sujets lui aussi, mais entre autres du stress, un peu comme toi, mais avec une autre approche. On était dans un autre monde complètement quand même, mais on parlait de la même chose, puis c'est ça qui est bien le fun. Je vais mettre les informations aussi de ton événement sur la page Facebook, Les Différents. Lina Audi, merci beaucoup, c'est fini, on va dépasser. On va défoncer l'émission. Merci, merci. Ça m'a fait tellement plaisir. J'adore parler de l'être humain comme ça. Ça paraît. Merci beaucoup. Puis à l'année prochaine, c'est sûr, on va continuer. On va en parler une autre fois. Parfait. Super, merci. C'est tout pour moi au niveau des différents. Si vous voulez, comme je vous dis, à partir de la page Facebook, vous allez savoir tout sur les invités, les infos des invités. Vous pouvez aller, comme je vous dis, sur la page Les Différents. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Puis nous, ben, on se retrouve vendredi prochain, 9h. Puis d'ici là, ben, essayez quelque chose de différent. Osez être différent. Bye bye.